Aujourd'hui, à connaître ensemble les médecines alternatives. Bon matin tout le monde, bienvenue à Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes et les sages-femmes. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des médecines alternatives. On a Laurence qui est avec nous en studio. Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, on va avoir deux entrevues avec une chiropraticienne. Oh, le beau chapeau. Et aussi une acupuncteur. Et également, Laurence va nous parler de la relation égalitaire en pratique sage-femme. Donc, aussi en musique, on va avoir du Benoît Rochelot, Mano Solo et Brady Cardi. Alors, on s'en va tout de suite avec Dr. Chloé Lapointe, qui est chiropraticienne. Bonjour, Dr. Chloé. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, donc, vous êtes chiropraticienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre cheminement? Oui, ben moi, en fait, je suis chiropraticienne. J'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça va faire presque maintenant 10 ans que je pratique. OK. Quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé à Montréal. Ensuite, j'ai ouvert mon bureau en clinique privée à Saint-Sauveur. Et j'ai orienté beaucoup ma clientèle vers les soins préventifs chez les femmes enceintes et chez les enfants. OK. Puis, en gros, là, c'est quoi la chiropratique pour ceux qui connaissent un peu moins ça? Bien, en fait, le principe de base de la chiropratique, c'est qu'on veut une colonne vertébrale bien mobile, qui va être sans interférence, donc ce qui va faire en sorte que le système nerveux va pouvoir circuler librement et faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une santé optimale. Donc, en résumé, là, tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que chaque vertèbre soit bien mobile, okay. Donc qu'on n'ait pas de subluxation vertébrale, parce qu'une vertèbre, quand elle bouge pas bien, ça va créer une subluxation vertébrale, okay. Qui va créer une irritation au niveau des nerfs qui sortent au niveau de la colonne vertébrale. Et cette irritation des nerfs-là peut entraîner différents symptômes ou différentes pathologies à long terme. Là. OK. Ça peut entraîner des contractures au niveau des muscles, mais ça peut même aller jusqu'à créer des dysfonctionnements au niveau des organes. Donc, c'est vraiment le système nerveux là, qui contrôle l'ensemble du corps selon la chiropratique. C'est en plein ça. C'est vraiment ça la prémisse de base de la chiropratique. Puis, on va utiliser la colonne vertébrale et les articulations du corps pour libérer ces interférences-là. Puis, vous en avez parlé un peu tantôt par rapport à votre parcours, mais c'est quoi un peu le processus pour devenir chiropraticien? Bien, en fait, pour devenir chiropraticien, à la base, il faut faire notre cégep en sciences de la nature. Ensuite, on va appliquer. La seule université au Québec où ça se donne, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc là, il va y avoir une sélection des gens par rapport aux notes du cégep ou aux notes de l'université si on vient de l'université. Et il va y avoir une entrevue que les étudiants vont devoir passer. Et à la suite de tout ce processus-là, les résultats académiques vont compter pour 70 % et l'entrevue pour 30 % et ensuite, il va y avoir 47 étudiants qui vont être sélectionnés. Donc, pour entrer à l'université. Donc, le cheminement à l'université, on appelle ça un doctorat de premier cycle, qui est une durée de 5 ans et demi. Donc, c'est 11 sessions et c'est de 245 crédits au total. Quand les étudiants vont avoir terminé l'université, donc ils vont pouvoir faire passer là, tous les tests universitaires pour obtenir le diplôme universitaire, ensuite, il faut passer les examens canadiens. Donc ça, c'est vraiment pour l'ensemble du Canada. Tous les chiropraticiens doivent passer les mêmes examens. Il y a une portion qui va être théorique et une portion également pratique. Quand tout ça est réussi, ensuite, il faut faire les examens au niveau du Québec. Mais ça, c'est les examens de déontologie, d'éthique qui vont être passés. Quand ça, c'est obtenu, ensuite, il faut s'inscrire pour être membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. OK. Et quand on est membre de l'Ordre, ensuite, on a une formation continue obligatoire à faire à chaque année. Okay. Wow! C'est vraiment un long processus, là. Oui, c'est un très long processus. Okay. Donc, on est bien content quand on passe au travers de tout ça. Ah, j'imagine. Puis une fois que, justement, tout ça, c'est terminé, où est-ce qu'un chiro peut pratiquer? Comment il peut établir sa pratique? Habituellement, un chiropraticien, c'est vraiment en cabinet privé, là. Donc, il peut soit partir sa porte pratique, aller travailler dans une clinique qui est déjà existante, soit comme associé. Il y a quelques chiropraticiens qui vont décider, après leur doctorat de premier cycle, de poursuivre au deuxième et troisième cycle. Donc, d'aller chercher une maîtrise et un doctorat de troisième cycle pour pouvoir faire de la recherche. Mais c'est les deux options, là. Il n'y a pas de chiropraticien encore au Québec dans les hôpitaux ou dans trop d'organismes, là. OK. Donc, c'est pas un service qui va être remboursé par l'assurance maladie? Non, c'est pas remboursé par l'assurance maladie. Donc, mais la plupart des assurances privées vont rembourser une partie des soins, des frais couverts, là, pour les soins chiropratiques. Okay. Et on peut... les patients qui sont victimes d'accidents de la route, donc avec la SAAC, ou d'accidents du travail avec les CSST, avec une prescription médicale, peuvent avoir un remboursement de leurs soins. OK. Ah, OK. Pour les chiropraticiens. Puis, par exemple, pour de façon plus concrète, pourquoi on va voir un chiro? Quelle sorte de problème vous pouvez traiter de façon générale? C'est assez vaste, hein, comme titre. C'est sûr qu'à la base, on doit faire vraiment l'examen. Parce qu'on veut, les chiropraticiens sont aptes à traiter toutes les pathologies qui sont naturellement réversibles. Mm-hmm. Donc, si on voit que c'est hors de notre champ de pratique, il faut bien sûr leur référer. Donc, à la base, ça va être de voir si on peut soulager ce patient-là. Donc, ça peut être vraiment toutes sortes. Hein. Il y a des patients qui viennent en prévention parce qu'ils veulent juste être mieux, avoir plus d'énergie, avoir plus de mobilité, avoir une meilleure posture. Mais la plupart des gens arrivent en premier parce qu'ils ont des problèmes. Donc, il y en a qui viennent parce qu'ils ont des migraines. Il y en a d'autres qui ont des maux de tête, des problèmes à la mâchoire. Ensuite, on peut avoir des douleurs entre les omoplates, dans le bas du dos, des irritations au niveau du nerf sciatique. Il y en a qui viennent aussi parce qu'ils ont des problèmes de coude, de genoux, de cheville. Notre première neige est sortie, donc on va avoir quelques blessures dues à une mauvaise utilisation de la pelle. Ça, c'est sûr. Ça fait partie de notre champ de pratique aussi d'éduquer les gens à comment bien utiliser leur dos et l'ensemble de leur corps pour éviter des blessures, là. Et ensuite, c'est sûr qu'on peut aller aider beaucoup les femmes enceintes et faire soit chez les enfants qui ont des problèmes ou faire de la prévention là tout au long de la croissance chez les enfants. OK. Puis au niveau de la femme enceinte, je pense qu'il y a aussi pour l'allaitement ou par exemple une présentation par le sèche, là, si le bébé ne se présente pas la tête en bas, je pense que la chiro peut faire quelque chose. Oui, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire avec les femmes enceintes à cause de, durant la grossesse. C'est une prise de poids sur 9 mois qui est quand même assez rapide. Mm-hmm. Donc, tout ça va entraîner un changement du centre de gravité et entraîner un changement au niveau des courbes naturelles de la colonne vertébrale. Donc, ça peut entraîner plusieurs problèmes mécaniques. Donc, point de vue vraiment problématique chez la femme enceinte, ce que je vois le plus en clinique, il va avoir des maux de tête, dû beaucoup à de la tension au niveau des trapèzes, les muscles en haut des épaules, des douleurs au niveau des côtes, parce que la cage thoracique va prendre environ 10 cm d'expansion, donc ça va entraîner des douleurs au niveau des côtes. Ensuite, bien sûr, le classique, le bas de dos et point dans les fesses et dans les jambes, l'irritation au niveau du nerf sciatique. Donc ça, c'est vraiment pour la femme enceinte. Parfois, il va avoir des restrictions, donc des blocages au niveau du bassin ou des torsions au niveau des os du bassin qui va faire en sorte que ça va entraîner des torsions aussi au niveau de l'utérus, hein, parce qu'il y a beaucoup de ligaments qui viennent s'attacher sur l'utérus qui vont jusqu'au niveau du bassin. Quand il y a trop de torsions, parfois le bébé peut avoir de la difficulté à prendre une position vertex, donc la tête vers le bas. Donc, habituellement, on va faire... Moi, quand je fais l'examen, puis qu'une maman arrive, puis le bébé est en siège, donc les fesses en bas, c'est sûr que si je vois aucun problème au niveau du bassin, ben là, je sais que je peux pas l'aider, là. OK. Mais si, après mon évaluation, on voit qu'on a une bonne torsion au niveau, habituellement, on a des bons résultats. Mais c'est sûr que à la base, la position siège peut venir de plusieurs problèmes, là, que le bébé, le cordon est trop court, qu'il y a trop de liquide amniotique ou pas assez. Donc, c'est vraiment de faire l'examen au niveau du bassin, de voir s'il y a une dysfonction par rapport à ça. Et puis, on fait du travail ligamentaire, du travail musculaire. On va donner une bonne mobilité au niveau du bassin, donner des recommandations d'exercices à faire à la mère, là, pour favoriser que le bébé là, tourne pour éviter une césarienne. OK. Puis, au niveau de l'accouchement? Pour l'allaitement, je m'excuse. Pour l'allaitement, en fait, l'allaitement, on va surtout voir s'il y a des problèmes d'allaitement ou si le bébé prend plus un sein que l'autre, on va s'assurer que le bébé a une bonne mobilité au niveau de son cou, hein, parce que parfois, il va avoir une restriction au niveau du cou, trop de tension musculaire qui va faire en sorte que le bébé sera pas à l'aise d'un côté. Donc, ça peut nuire à l'allaitement. Mm-hmm. Ensuite, on va aller faire l'examen de la bouche. On va s'assurer que le frein de la langue est beau. Sinon, il faut référer. Mm-hmm. Ça peut être un problème d'allaitement. On va faire l'examen au niveau de l'articulation de la mâchoire, voir si le bébé est capable d'ouvrir assez grand la bouche pour avoir une bonne prise au sein. Donc, ça peut être des choses là, qu'on peut aider là, pour l'allaitement. Puis, à l'accouchement? À l'accouchement, en fait, ben c'est sûr que dans les dernières semaines, habituellement, là, on va voir la femme enceinte de façon un petit peu plus rapprochée, justement pour favoriser une bonne ouverture au niveau du bassin. Mm-hmm. Ensuite, quand c'est juste avant, on peut donner des trucs au papa aussi, là, des petites pressions à faire, des points pour essayer de soulager. Tout dépendant comment le bébé peut se placer aussi, on peut donner des petits conseils. Si les contractions viennent vraiment dans le bas du dos, des types de pressions sur le sacrum qui est à la base de la colonne vertébrale pour aider à soulager la maman. Mmh. Puis, est-ce qu'il y a des contre-indications pour d'aller voir un chiro? Est-ce qu'il y a vous en avez parlé quand même un peu, là? Il y a des fois des cas que vous... C'est pas l'idéal, là, de... Bien, c'est sûr qu'il y a des contre-indications, hein. Pour tout ce qui est thérapie, chaque thérapie a des contre-indications, en fait. Donc, c'est vraiment de par un bon examen minutieux qu'on va voir si on peut aider cette patiente-là ou ces patients-là. Okay. Ensuite, on va adapter, tout dépendant du type de clientèle qu'on doit traiter, ajuster. Donc, on va adapter nos techniques, les ajustements pour ces types de clientèle-là. Un ajustement chez un bébé de 3 jours va être différent de l'ajustement d'un bébé de 6 mois que d'un enfant de 2 ans. Ça va être différent chez la femme enceinte que chez la femme qui n'est pas enceinte, hein, dû à l'hyperlaxité des ligaments chez la femme enceinte. Oui. Donc, il faut vraiment adapter nos techniques. Et c'est sûr qu'une patiente qui fait de l'ostéoporose, donc une ossature très fragile, les ajustements vont être différents. Mais on peut traiter tous ces types de patients-là en bien s'ajustant, en bien ajustant notre force, les techniques. Okay. Un petit bébé, là, habituellement, la force qu'on doit utiliser, c'est la pression, comme si je veux appuyer sur l'œil de quelqu'un et je veux pas que ça fasse mal. Okay. Fait que c'est vraiment des petites pressions qui sont très légères. Okay. Puis, oui, allez-y. Mais à la base, il faut faire un bon examen pour voir là, ce qu'on peut faire. C'est la là. Base. OK. Oui. Puis, on sait, bon, la chiro, c'est considéré comme une médecine alternative. Je pense qu'il y en a moins, mais il en reste encore sûrement des préjugés par rapport à la chiropratique. Oui, donc, si vous voulez, on va faire une petite entrevue préjugée. Ben oui, on aime ça. Mais c'est préjugés. Oui, c'est ça. Parfait. Parfait. Donc, on entend souvent que c'est mauvais de se faire craquer. Ben, en fait, c'est pas mauvais de se faire craquer si c'est bien fait. Okay. C'est sûr qu'on ne demande pas à sa sœur ou à son mononcle ou au voisin d'à côté de nous faire craquer. Okay. C'est pour ça que la formation d'un chiropraticien, c'est 5 ans et demi. Ouais. Et ça peut être mauvais de se faire craquer si c'est mal fait. Parfait. Et donc, la chiro, il y en a qui pensent que ça se base pas sur une base scientifique. Oui, ben ça aussi. Hein. Ouais. Et là, il faut rappeler aux gens tout encore et encore que le chiropraticien pour être formé est à 5 ans et demi d'université. Donc, durant les cours, c'est pas des cours de vaudou, il n'y a pas de chandelle, il n'y a pas d'encens, c'est vraiment des cours universitaires très poussés. Et oui, c'est scientifique. Hein. Maintenant, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation de recherche chiropratique au Québec. Okay. Il y a maintenant une chaire de recherche. Hein. Ah oui? Il y en avait déjà avant dans le reste du Canada ou aux États-Unis, mais on a maintenant notre chaire de recherche au Québec à l'université. Donc, si vous voulez avoir de l'information un peu sur les recherches qui sont en cours, vous pouvez aller sur le site de la Fondation. Chiropratique de recherche. Parfait. Et une dernière, est-ce que craquer fait grossir les articulations? Ben, à la base, là, on va revenir parce que un ajustement ne va pas nécessairement avoir toujours une cavitation qu'on appelle un craquement. Okay. Et c'est pas tout le temps qu'on va utiliser ce type de manipulation-là. Okay. À la base, tous les chiropraticiens sont formés pour faire des ajustements où il va y avoir cavitation. Mm-hmm. Mais il y a d'autres sortes de techniques. Il y a des gens qui n'aiment pas ça se faire ajuster ou il y a pour des gens que ce type d'ajustement-là, c'est contre-indiqué. Donc, il y a d'autres techniques alternatives qu'on peut utiliser. Mais si craquer, ça c'est un autre beau mythe hein, de faire craquer nos articulations. Mais en fait, le but, c'est sûr que si on va toujours faire craquer nos doigts dans la même direction, mm-hmm. À long terme, ce qui peut entraîner, c'est un débalancement au niveau des ligaments. Donc, un côté de notre articulation va devenir un peu plus laxe. Et à long terme, je parle sur des années, ouais, ça ouais. pourrait entraîner un mauvais fonctionnement au niveau des articulations et entraîner là, de l'usure prématurée. OK. Donc, si on a à se faire craquer les doigts, ce serait d'un bord et de l'autre en alternance. Oui, d'un bord et de l'autre, mais je vous mets au défi de faire craquer les deux bords. Hein? Oui, c'est ça. Ou allez-y en distraction, mais dans ce temps-là, vaut mieux pas le faire. Ouais, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. On rappelle, c'était Dr Chloé Lapointe qui est chiropraticienne. Merci beaucoup pour la belle entrevue. Ben, ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci, vous aussi. Bye-bye. Alors, on s'en va tout de suite en musique avec Benoît Rochelot et Grosse Madame. Déguisée en grosse madame, tu tricotes un petit bonhomme qui devient drôle amalgame de moi-même pis de la grosse madame. Avec ma mince contribution, voilà, tu deviens femme cocon. À l'intérieur dans ton bedon, une petite chenille devient papillon. Un petit singe à sa liane, sous ta peau à sa cabane. Ma belle dame, déguisée en grosse madame. Déguisée en grosse madame, tu tricotes un petit bonhomme qui devient drôle amalgame de moi-même pis de la grosse madame. Ta peau tendue comme un tambour, ton corps tourné au corps de tour. Calcule le compte à rebours. Tu fais pour mettre les pièces à bonne place. C'est un casse-tête qui a trop de morceaux pour les placer dans un berceau. Mettre le nez au centre de la face et les os sous la peau. Je te dis que t'aurais un bon dit bon flash de lui donner ta tignasse. Déguisée en grosse madame, tu tricotes un petit bonhomme qui devient deux poupons. On dirait ben tellement t'es ronde. Dis pas que t'es enceinte stéréo, que t'as une belle paire de jumeaux. Déguisée en grosse madame, tu tricotes un petit bonhomme qui devient drôle la madame de moi-même pis la grosse madame. Oui, alors c'était Benoît Rochelot et Grosse Madame. Alors, on est de retour en ondes avec... on a une entrevue avec Marie-Laure Vachon, qui est acupunctrice et qui est aussi une collègue étudiante sage-femme. Donc, on l'a aujourd'hui avec nous. Bonjour, Marie-Laure. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui. Alors, aujourd'hui... tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? C'est quoi ton parcours? D'acupunctrice? Oui. Oui. Moi j'ai étudié l'acupuncture au Collège de Rosemont pendant 3 ans, c'est une technique. OK. Et avant ça, j'avais étudié 3 ans aussi de plantes médicinales. OK. Et j'ai fait 7 ans de clinique ensuite. OK. Pour après appliquer au bac sage-femme. Ah, OK. Et peux-tu nous parler un petit peu de l'acupuncture, nous définir un peu l'acupuncture pour les gens qui nous écoutent? OK. Bien, l'acupuncture, c'est une médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est une médecine qui a plus de 2000 ans. Okay. Puis, en fait, on dit que c'est une médecine dans le sens où l'acupuncture, c'est juste comme une branche de... comme un ensemble de choses qui est la nutrition, les exercices physiques comme le qigong, le massage, comme le tuina. Fait que c'est un ensemble, et l'acupuncture avec les aiguilles et l'herbologie avec les plantes. Fait qu'ensemble, ces cinq branches-là font la médecine chinoise. Fait que l'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise. OK. C'est ça, qui était vraiment la médecine traditionnelle de la Chine, là, qui a plus de 2000 ans. Les premiers ébauches de cette médecine-là, puis elle existe encore aujourd'hui. OK. Puis, t'en as parlé un peu avec tes études, mais est-ce que c'est le seul moyen, là, au Collège Rosemont pour devenir acupuncteur? Oui, absolument. OK. Oui, au Québec, c'est la seule formation reconnue. C'est vraiment le Collège de Rosemont. Puis, c'est une technique de 3 ans. Et ensuite, on a un examen commun à passer parce qu'il y a un ordre professionnel. Ah oui. Donc, on a un examen commun. Donc, même s'il y a un autre acupuncteur, mettons, qui arrive justement de la Chine puis qui a été formé en Chine, ben, il doit passer le même examen que nous pour pouvoir pratiquer au Québec. OK. Puis si, justement, je veux trouver un acupuncteur, je peux passer par l'ordre, j'imagine que... Oui, bien, il y a l'association des acupuncteurs, okay, qui ont quand même une belle liste aussi par région. Il y a l'ordre, assurément, là, où tous les membres sont enregistrés. Fait qu'on peut trouver par région aussi des acupuncteurs dans notre région, l'association. OK. Puis sinon, bien, c'est sûr, là, les pages jaunes, c'est aussi une bonne référence, oui. Puis pour quelle raison on irait voir un acupuncteur? Bien, les gens viennent nous voir principalement, je dirais, là, dans 50 % des cas, c'est des cas de douleur. OK. C'est que ça peut être des douleurs là, de toutes les sortes. C'est le dos, les épaules, les genoux. Ensuite de ça, bien, on peut aller voir un acupuncteur aussi pour régulariser comme son organisme, comme si on a des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des maux de tête, de l'insomnie, de l'anxiété. On peut aller voir son acupuncteur aussi, puis c'est aussi si on est enceinte. Oui. Puis est-ce que tous les âges peuvent, les gens de tous les âges peuvent y aller? Oui, vraiment, on traite des enfants. OK. Oui, on traite des enfants, on a différentes techniques là, pour pas les traumatiser avec les aiguilles. Oui. Fait qu'on a soit, on a vraiment plein de choses, là. OK. On a comme des petits aimants ou des petites aiguilles très, très, très fines, comme un peu comme des petits collants. Okay. Fait que souvent, ils ne sentent même pas l'insertion tellement c'est fin. Okay. Puis, on a aussi, on peut pratiquer avec un laser. Ah oui? C'est pas tous les acupuncteurs qui en ont, mais on peut s'informer, savoir s'ils ont le laser. Puis, je sais que, comme moi, c'est principalement ce que j'utilise avec les enfants. Puis, comme ça, ben ils sentent vraiment rien, là. C'est juste une lumière. Fait que, on en est assis, on parle, on jase, puis on peut faire tous les points là, qu'on veut pendant ce temps-là. Parfait. Puis, tu as commencé à en parler un petit peu pour la femme enceinte. Qu'est-ce que l'acupuncture peut apporter? Bien, pour la femme enceinte, là, on peut la voir comme mettons une fois par mois pour juste faire un bilan avec elle, voir pour régler tous les petits maux qui peuvent accompagner la grossesse. Okay. Fait que autant ben c'est les maux de dos assurément, c'est sûr, mais aussi mettons les jambes sans repos là, qui est comme une fatigue que les femmes enceintes peuvent développer dans les jambes, les nausées, assurément, définitivement, ça peut aider la digestion, l'insomnie, ça va être pas mal, on va vérifier avec eux, tu sais, c'est sûr, leur état aussi, s'ils sont très fatigués, moins fatigués, on va essayer d'ajuster ça. Fait que, tu sais, normalement, on peut les voir facilement une fois par mois pour ajuster tout ça. S'il y a quelque chose de plus intense, comme des nausées en début de grossesse, très intense, là, on peut les voir de façon plus rapprochée. Puis vers la fin de la grossesse, aussi dans le dernier mois, on peut les voir de façon plus rapprochée pour préparer le périnée à l'accouchement. Fait que, qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment là, détendre tous les muscles du périnée, mais de façon très mécanique, là, un à un, pour que l'accouchement se fasse plus en douceur, là. Et est-ce que l'acupuncture peut aider aussi pour des difficultés en lien avec l'allaitement? Oui, absolument aussi. Fait que ça peut être une chose, une femme un problème au niveau de la quantité de lait. On peut aider à stimuler soit les hormones qui vont faire la production de lait. On peut aussi aller voir au niveau, ça peut être des tensions musculaires dans le dos, dans le haut du dos, qui peut ne pas l'aider dans son allaitement. On peut l'aider avec ça. Oui, la fatigue aussi. Des fois, les femmes qui allaitent, oui, ça peut être une bonne raison de consultation aussi. OK. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour la femme enceinte et aussi pour les gens en général là, qui en fait, pour lesquels on n'irait pas voir un acupuncteur? Bien, une contre-indication, je dirais que c'est comme la principale contre-indication. C'est sûr, là, si on prend des médicaments, mettons, anticoagulants. OK. Bien, c'est sûr qu'on va quand même dans la peau, parce qu'il y a toujours des risques qu'on fasse, qu'on, qui ont fait une petite goutte de sang. Fait que pour des gens qui ont des problèmes de coagulation, c'est pas une contre-indication dans le sens qu'on peut pas recevoir de traitement, mais c'est très important de le mentionner. Okay. En fait, normalement, on peut traiter pratiquement tout le monde, mais ce qui est surtout très important, c'est que pour nous, dans notre pratique, il faut vraiment bien dire notre état de santé à notre acupuncteur, parce que lui, après ça, va être capable de prendre les précautions qu'il y a à prendre. Okay. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle on ne va pas voir un acupuncteur. Tu sais, il n'y a rien de connu là, qu'on ne peut pas aller voir un acupuncteur, mais c'est surtout important de bien lui dire les médicaments qu'on prend. Oui. Lui va vous poser des questions, puis de bien répondre à ces questions-là, parce que lui, ben, c'est quand même sérieux ce qu'il fait, puis il doit avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes précautions. OK. Puis, dans le fond, quand on va voir un acupuncteur, au début, il y a, j'imagine, une évaluation globale de l'état de santé de la personne. Oui, oui, oui. Quand on ouvre un dossier, là, on pose toutes ces questions-là. On fait vraiment une évaluation de l'état de santé, de la médicament, les médicaments qu'ils prennent, des antécédents médicaux, des interventions qu'ils ont eues. Puis, tout vraiment comment... Pour la raison pour laquelle on va voir un acupuncteur, là, lui, il va vraiment nous questionner, tu sais, de où ça vient ce problème-là, depuis quand. Fait qu'il va vraiment pouvoir se faire une bonne idée là, de terrain qu'il y a devant lui, là. OK. Et puis, si on a peur des aiguilles, est-ce qu'il y a des alternatives? Tu en as parlé un peu pour les enfants, mais pour un adulte. Oui, ben oui, absolument. Là. Fait que, comme je disais, là, c'est sûr que l'alternative, la plus efficace, mettons selon moi, c'est vraiment le laser. Oui, okay. Mais comme je disais, c'est pas tous les acupuncteurs qui en ont. C'est vraiment une bonne alternative, là. Ça, c'est sûr que. Parce que moi, je trouve que ça fait vraiment le même effet. Okay. On a les mêmes résultats cliniques. Ah oui. Puis on n'a pas l'insertion d'aiguilles. Okay. Sinon, il y a comme certains acupuncteurs qui peuvent utiliser aussi des aimants. Okay. Qui ont différents degrés, là, si vous voulez, dans les aimants, puis utiliser ça, ou d'autres petits outils qui sont pas des aiguilles, mais qui vont se rapprocher. Mais selon moi, le laser, c'est la meilleure alternative. Okay. Puis, est-ce qu'il y a d'autres instruments que vous utilisez? Ben, autre que les aiguilles ouais, et les lasers? Oui, un petit peu. Puis, ça dépend ça aussi un peu des acupuncteurs. Ouais, comme en Chine, ils utilisent beaucoup d'autres outils. Puis, on dirait qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup focusé sur l'aiguille. OK. Fait qu'on peut utiliser des petits marteaux qui ont comme des petites aiguilles au bout, puis on va pouvoir, sur un coude inflammé, on va pouvoir travailler le coude avec ce petit marteau-là. On a des ventouses aussi. Oui. Des ventouses, là, c'est comme on va faire comme une petite suction sur des régions lombaires, mettons, pour aider à détendre les muscles. OK. Puis, bon, c'est sûr qu'il y en a, je pense, j'imagine, en fait, qu'il y en a qui ont un peu peur de l'acupuncture. Ils ont peur que ça fasse mal. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal, mais moi, je trouve que ça fait pas mal, mais c'est pas complètement indolore. OK. Donc, c'est vraiment une petite piqûre, à peu près un peu comme genre un maringouin. Ça fait un petit pincement à l'insertion. OK. Il y a des gens qui vont être... je vous dirais que 95% des gens sont très tolérants pour eux. Là, il n'y a vraiment rien là. T'sais, ils sentent, mais c'est pas problématique. Puis, je dirais qu'il y a 5% des gens que ça les surprenne. Fait que c'est pas indolore. Tu sais, c'est pas. On le sent, mais c'est pas. Je peux pas dire que c'est douloureux, là. Les gens, généralement, dans le bureau, ils sont très détendus. Ils apprécient ce moment-là. Là, c'est pas du tout difficile, là. Oui. Puis, est-ce que comment tu perçois, toi, la reconnaissance de l'acupuncture au Québec dans les dernières années, si tu disais que ça fait 7 ans que tu pratiques, as-tu l'impression que c'est mieux reconnu, par exemple, par les autres professionnels de la santé? Ben, comme n'importe quoi qui tente à se faire reconnaître, là, on trouve que c'est toujours un peu lent. Ouais. Je dirais que les vieux acupuncteurs, ben, ils trouvent quand même que, au niveau surtout du public, c'est mieux connu. OK. Fait que je dirais qu'au niveau du public, là, on s'est vraiment plus comme il y a 25 ans où c'était vraiment là, très marginal d'aller voir un acupuncteur. Maintenant, c'est quand même assez fréquent. On est presque 600 membres. On est 600 acupuncteurs au Québec. Okay. Tout le monde a sa clinique. Je veux dire, à quelque part, il y a quand même beaucoup de fréquentation. Mais c'est sûr que il y a quand même un travail, surtout au niveau de l'information. Je dirais qu'il y a certains professionnels qui connaissent les acupuncteurs puis vont les référer beaucoup. T'sais, autant les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, certains médecins, là, que ils n'hésitent pas du tout. Là, ils connaissent notre champ de pratique, puis ils n'hésitent pas. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une grosse partie des professionnels de la santé qui sont très méconnaissants, surtout de notre champ de pratique. Ouais. Ils ont vraiment l'impression qu'on va juste voir un acupuncteur, donc se détendre, mais ils n'ont aucune idée qu'on peut traiter vraiment des douleurs, puis on les traite vraiment de façon particulière, puis que, tu sais, ça vaut vraiment la peine de... C'est ça. Fait que c'est en train, oui. Mais c'est sûr que ça se fait toujours de façon un petit peu lente, là. Oui. Puis est-ce que, on parlait de champ de pratique, est-ce qu'on peut aller voir un acupuncteur en prévention aussi? Oui, en fait, c'est fait beaucoup comme ça en Asie. En Chine, okay. Les gens vont vraiment beaucoup consulter les acupuncteurs en prévention. Parce que ça fait comme partie de l'hygiène de vie. Ouais. Comme on mange bien, on fait de l'exercice, on va voir un acupuncteur. Ça fait partie de l'équilibre global de sa santé. Okay. Ici, au Québec, on a vraiment, parce qu'on n'est pas habitué à ça, on a vraiment focusé sur une pratique très, très d'urgence. Puis, OK, c'est ça, j'ai un gros mal de dos, là, je vais voir mon acupuncteur là. Mais on peut le faire, oui. Fait que ça peut être intéressant. Puis là, ben, c'est quand même une approche qui est un peu différente parce qu'on va vraiment travailler sur le terrain de la personne. Puis on va la voir peut-être une fois par mois. Ou des fois, ça peut être même comme 4 fois par année au changement de saison pour aider le corps à s'adapter au changement de saison. Ça peut être une façon de le faire là, en prévention. C'est bon à savoir. Alors, appelons nos acupuncteurs en ce début d'hiver. Ben, alors, c'était Marie-Laure Vachon. Merci beaucoup, Marie-Laure. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée. Oui, à vous aussi. Merci. Bye-bye. Bye. Alors, après la pause, on va avoir une réflexion de Laurence sur la relation égalitaire dans la pratique sage-femme. Tout de suite, on s'en va en musique avec Mano Solo et Sentiment. Vous êtes à l'écoute de Connaître Ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Des sentiments tous ensemble, des sentiments pour tout prendre, des sentiments qu'on attend, des sentiments dans le sang, des sentiments sans un frein, des sentiments pour demain, des sentiments dans la tripe, des sentiments qui nous excitent, sentiments qui nous agitent, des sentiments qui s'extirpent, sentiments qui nous gagnent, des sentiments qui nous soignent, sentiments qui transpire, sentiment qui nous inspire, sentiment où rien ne s'efface, sentiment sans attache, des sentiments apaches, des sentiments sans relâche, des sentiments qui nous parlent, des sentiments qui nous alarment, des sentiments qui nous tuent. Quand d'amour et de plaisir on n'en peut plus, mes sentiments sont pour tout. Sentiments valent pour trois. Sentiments qui nous ressemblent, sentiments qui nous rassemblent, des sentiments tous ensemble, des sentiments pour tout prendre, des sentiments qu'on attend, des sentiments dans le sang, des sentiments sans un frein, des sentiments pour demain, sentiments dans la tripe qui nous excite, qui nous agite, qui s'extirpe, qui nous gagne, qui nous soigne, qui transpire, nous inspire, rien ne s'efface sans attache, apache sans relâche, qui nous parle, nous alarme, qui nous tue. On n'en peut plus, mes sentiments sont pour toi. Mes sentiments valent pour toi. Mes sentiments sont pour toi. Mes sentiments valent pour toi. l'écoute de Connaître ensemble, l'émission des étudiantes sages-femmes. Alors, avant la pause, on avait Mano Solo avec sa chanson « Les sentiments ». On a également eu une entrevue avec le docteur Chloé Lapointe, qui est une chiropraticienne, et Marie-Laure Vachon, une acupuncteur. On est rendu maintenant à la chronique de Laurence sur la relation égalitaire. Alors, bonjour Laurence. Oui, bonjour. Vas-y. Oui. Donc aujourd'hui, je vous présente une petite chronique sur la relation égalitaire dans la pratique sage-femme. Donc moi, c'est un sujet qui m'a vraiment interpellée parce que ça fait partie des principes directeurs dans la pratique sage-femme qu'on retrouve dans les principes, dans le fond, de l'association Les sages-femmes du Québec. Et donc, je me suis questionnée un peu comment cette relation-là pouvait se concrétiser dans la pratique. Et puis, c'était quoi les facteurs qui pouvaient faciliter la relation égalitaire et les défis que ça pose aussi comme professionnel. La relation égalitaire, pour moi, c'est vraiment un aspect qui distingue beaucoup la pratique sage-femme d'autres professions. Okay. Parce que je pense que c'est un peu une réflexion là, que je fais. Donc, ouais. mais je me suis quand même appuyée sur des lectures. Mais il y a peu de professionnels qui prennent conscience des rapports inégaux de pouvoir qui peuvent s'installer entre un professionnel et la personne qui vient la consulter. OK. Mais par son histoire, dans la pratique sage-femme, l'histoire de la pratique sage-femme, en fait, oui. La relation égalitaire est vraiment dans les fondements même de la profession. Dans la base. Oui, parce que dans les années 70-80, la pratique sage-femme a comme ressurgi au Québec grâce aux voix de nombreuses femmes qui questionnaient justement les inégalités de pouvoir qui les excluaient des décisions qui les concernaient en santé et niaient leurs compétences à définir elles-mêmes leurs besoins. Mm-hmm. Donc, à travers le féminisme et le mouvement pour la santé des femmes, il y a des nouvelles avenues qui ont été explorées pour mieux respecter l'autonomie des femmes et favoriser des rapports plus égalitaires entre les professionnels de la santé et les femmes, notamment sur le plan de la naissance, de la gynécologie et de la santé mentale aussi en psychiatrie. Donc, la pratique sage-femme s'est développée beaucoup dans ce courant-là et a été fortement portée par les femmes elles-mêmes, les mères, qui se sont positionnées dans ce mouvement-là. Puis, c'est ce qui fait que la relation égalitaire fait vraiment partie des fondements de la profession. Mm-hmm. Ça place les sages-femmes un peu dans une obligation morale, dans le fond, de continuer à actualiser ce principe-là dans la pratique parce que ça a été porté là, par cette valeur-là. C'est ça, fait que je me suis un peu questionnée, qu'est-ce que c'est la relation égalitaire? J'ai demandé à mes collègues étudiantes sages-femmes, c'est quoi pour eux? Puis il y a plusieurs étudiantes qui ont eu des enfants, parfois avec des sages-femmes. Donc, certaines m'ont dit c'est une relation où chacun apprend de l'autre, où il n'y a pas de sentiment d'infériorité ou de domination. OK. C'est une relation où la femme n'est pas un numéro. Mm-hmm. C'est une relation aussi d'égalité physique. Donc, on va être à la même hauteur, on se regarde dans les yeux, on est assis l'une en face de l'autre, il n'y a pas de distance. OK. Ça peut être aussi pour d'autres. Une relation où la femme, où il n'y a pas quelqu'un qui prend une décision pour l'autre. Ouais. Ça peut être aussi, certaines le voient comme une amie qui possède certaines connaissances plus théoriques, plus techniques, une expérience. Donc, selon les points de vue, c'est vraiment différent. Une collègue m'a dit, elle, c'est dans son suivi sage-femme, l'égalité pour elle, ce qui lui est venu à l'esprit, c'est sa sage-femme qui, après plusieurs semaines où il ne s'était pas vu, a dit « Ah, je me suis ennuyée de vous autres. » Okay. Donc, c'est dans le lien vraiment affectif qui s'établit qu'il y a une égalité qui est possible. C'est ça. Donc, on ne peut pas parler d'égalité non plus sans faire référence à la notion de pouvoir. Ouais. Donc, le fait de posséder des connaissances dans notre société, dans un domaine spécifique, ça donne une légitimité au professionnel. Ça fait de lui une référence dans son domaine. Donc, le professionnel acquiert un statut social et ce statut-là, c'est un pouvoir. Donc, pour moi, la sage-femme doit être consciente qu'elle porte ce pouvoir-là, mm-hmm. d'une certaine façon, même si elle aspire à une relation égalitaire avec les femmes qu'elle côtoie. Puis avoir du pouvoir, c'est pas nécessairement négatif ou péjoratif non plus. Non, ça peut être un ça. Pouvoir qui est sain et qui est... Oui, ouais. Tout à fait. Donc, c'est plus... Il faut juste en avoir conscience, ouais. selon moi. Ouais. T'sais, et puis aussi, le fait de travailler... Dans le réseau de la santé, on porte aussi des valeurs, des fois, du milieu de la santé, oui. Puis d'une institution aussi dans laquelle on travaille. Oui, donc, absolument. La sage-femme, bon, pratique dans une maison de naissance, donc ça lui permet quand même une certaine autonomie parce que les ouais. valeurs des maisons de naissance sont quand même sensiblement les mêmes. Ouais. Mais c'est ça, il faut quand même en être conscient. Puis pas user de ça, abuser non. en fait. C'est ça. Ouais. Et puis pour la personne qui vient consulter, elle vient aussi chercher une expertise, des connaissances aussi, les connaissances ouais. que la sage-femme a acquises par sa pratique, mais par sa formation aussi. Mais la personne aussi qui vient consulter possède un savoir expérientiel qu'un professionnel ne possède pas. Ouais. Fait que c'est un savoir qui lui appartient, puis le professionnel n'a pas le choix d'être à l'écoute de ce que la femme a à dire parce que on fait équipe ensemble. Ouais. Moi, même si j'ai eu des enfants, ou je peux pas savoir comment toi tu vis ta grossesse, c'est quoi les symptômes que tu ressens, comment tu le vis psychologiquement, émotivement. Donc, on fait vraiment une équipe. Moi, j'ai besoin de ta connaissance, puis moi, je peux t'apporter un autre point de vue. Dans le fond, c'est que les femmes sont expertes de leur propre vie et de leur propre corps. Au-delà oui. des connaissances théoriques et médicales, la femme, oui. elle, est dans son corps 24 heures sur 24, puis depuis oui. qu'elle est née. Donc, oui. c'est elle l'experte là, de son corps. Oui, fait que c'est vraiment nécessaire comme préalable à une relation égalitaire de reconnaître la compétence de la femme mm-hmm. par rapport à son propre corps. Fait qu'il faut porter ça là, pour devenir ouais. sage-femme. Donc, les facteurs qui favorisent une relation égalitaire... Ça peut s'établir tout de suite avant même que la communication vraiment s'engage dans le non-verbal, dans l'attitude de la sage-femme, du professionnel. Ça peut être aussi par l'ambiance, la disposition de la pièce, de ne pas mettre mm-hmm. un bureau entre nous deux, de s'asseoir l'une en face de l'autre, de ne pas afficher plein de diplômes autour pour ouais. montrer que... Bien, ça peut être... Certaines personnes vont accorder de l'importance à ça, mais des fois, ça facilite pas une relation égalitaire. Là, quand on met de l'avant, c'est tout un contexte, ouais. une ambiance qui peut nous séparer beaucoup. Le fait de ne pas porter d'un uniforme aussi, ça peut être des choses. Mais ça reste quand même un peu superficiel. C'est important, mais c'est pas... C'est dans l'apparence. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus dans la communication, selon moi, que la relation égalitaire va s'établir. Fait que faut vraiment créer tout d'abord un lien de confiance avec la personne. Et... l'accompagner à faire des choix éclairés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Donc, de ne pas ouais. imposer des décisions, de vraiment amener la femme, de bien informer pour que la femme puisse faire des choix éclairés puis des choix qui lui correspondent. Mm-hmm. Donc, il y a comme une attitude de transparence pour moi qui est un facteur important pour établir une relation égalitaire parce que on va vraiment... partager les informations, donc les résultats de laboratoire, les résultats des tests ou partager aussi s'il y a des décisions importantes. On va présenter les deux côtés de la médaille, les telle intervention ou telle... Les pour et les contre. Les pour et les contre. Donc, c'est vraiment... Puis vulgariser ces explications-là ouais. pour que la personne elle soit en mesure de prendre des décisions là, éclairées. Oui, okay, pour pas que... C'est le professionnel de la santé qui te baragouine un charabia médical dont tu ne comprends absolument rien. Ouais. Il faut avoir un langage ouais. accessible. Puis, oui. C'est sûr que la femme se sentirait peut-être un peu inférieure. Là, oui. Si tu ne comprends rien, bon, ben, tu dois avoir raison. Oui, c'est ça. Ça n'amène pas à faire un choix. Là. Fait que c'est vraiment important le langage qu'on utilise dans la communication. Ouais. Ça peut vraiment créer des barrières. Là. Mm-hmm. Et puis... fait que la relation égalitaire se fait par le partage d'informations puis l'accompagnement de la femme dans les prises de décision. Okay. Par contre, il y a comme un genre de petit paradoxe qui peut s'établir, une contradiction en fait, entre le désir de préserver l'autonomie de la femme puis la sécurité. Donc, comme ouais. professionnel, on a comme une responsabilité des fois à assurer la sécurité, à veiller à la sécurité de la femme et de mm-hmm, son bébé. Absolument. Puis des fois, les décisions de la femme peuvent peut-être aller à l'encontre d'une pratique sécuritaire. Donc, si okay. par exemple, une femme habite en région très éloignée, puis elle décide d'accoucher, elle veut absolument accoucher à domicile, puis puis nous, on est plus ou moins à l'aise parce que, bon, le temps de transfert serait trop long. Oui, s'il y avait une complication. Ouais. Donc ça peut être... fait que comment, dans des cas comme ça, on peut préserver l'autonomie de la femme puis pas la déposséder de son pouvoir de décision ouais. sans non plus... Parce que je pense que la sage-femme doit aussi se sentir à l'aise dans... Ouais. dans le parce que c'est une relation, comme on dit, ça s'établit à deux. Oui, je pense que c'est un équilibre, en fait. Oui. C'est un équilibre entre... c'est ça, assurer la sécurité d'un événement ou d'une pratique et en même temps conserver et respecter la femme dans sa prise de décision et dans son choix autonome, là. Oui. Puis, comment on peut faire ça? J'ai trouvé un article qui en parlait un peu. C'est vraiment par la communication, la façon d'aborder le sujet avec la femme, d'aller plus loin dans sa réflexion, de mieux comprendre, dans le fond, sa perception. Si, mettons, une femme refuse une intervention, ben c'est pas de sortir tout notre bagage théorique puis de dire, écoute, telle intervention, c'est bon, il y a ci, il y a ça, c'est important, puis de faire étalage de nos connaissances, mais plutôt d'aller voir plus loin dans le vécu de la femme. Qu'est-ce qui fait que cette intervention-là, ça tente pas, que ça te met mal à l'aise? Est-ce que tu as vécu des choses? Tu sais, on va aller essayer de comprendre son vécu, son histoire pour être en mesure ensuite de peut-être trouver un compromis, dire hein, c'est une grosse décision, je comprends tes motivations. Est-ce que en comprenant mieux ses motivations profondes, on peut peut-être plus négocier avec elle, trouver un compromis où la sage-femme va être confortable aussi dans sa pratique et où la femme va être entendue. Donc finalement, c'est ça. La relation égalitaire, en résumé, pour moi, ça s'établit là, vraiment dans le contexte où la relation a lieu, par la transparence, le partage d'informations qui permet de rééquilibrer un peu les pouvoirs, puis surtout dans les habiletés de communication de la sage-femme, l'écoute qui est vraiment importante, c'est tout dans la façon d'apporter l'information. Puis de contrebalancer la vision, comme tu disais, Marie-Pierre, de l'expert qui sait ce qui est bon pour toi, qui sait tout. Puis le milieu de pratique doit aussi idéalement permettre de soutenir ces valeurs-là d'égalité pour que le professionnel puisse plus facilement les actualiser. Mais je pense que, comme tu disais aussi, c'est un peu un idéal à atteindre. Ouais. Ça peut présenter vraiment plusieurs défis. Et puis, il y a certaines femmes aussi, puis leurs conjoints aussi, qui viennent vraiment chercher une expertise chez la sage-femme, qui vont avoir besoin d'être peut-être plus pris en charge. Donc, ça demande beaucoup de doigté de la sage-femme pour préserver l'autonomie de la femme tout en la guidant aussi. Fait que je pense principalement c'est d'être à l'écoute puis d'être capable de s'ajuster exactement. Ouais. J'avais Gage en tête de s'ajuster, c'est bien dit, de s'ajuster à la personne qu'on a en face de nous et je pense que un premier pas qui est un grand pas, c'est de prendre conscience justement, tu disais tantôt de cette relation de pouvoir, mais de pouvoir égalitaire qui est, je pense que pour la sage-femme, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas de fait. Faire comme, OK, c'est bon, j'ai une expertise. Il y a une femme devant moi qui en a une aussi. Et c'est un être humain au même titre que tous les autres qu'il y a sur la planète. Et tout comme je le suis moi, j'ai une expertise à apporter à cette femme-là. Mais elle vient chercher quelque chose chez moi. Mais c'est pas, c'est ça, c'est pas une relation de pouvoir abusif, là. Non. C'est entre les deux. Je pense que l'important, c'est ça, capacité d'adaptation face à la personne qui est devant nous. Puis il y en a qui vont demander peut-être plus d'accompagnement, d'autres qui vont avoir besoin de plus d'autonomie. Ouais. Donc il y a tout un ajustement. Et de l'écoute aussi. Ouais. Bon, voilà. Merci Laurence pour ta belle réflexion sur la relation égalitaire dans la pratique sage-femme. Alors, on a déjà terminé notre émission. C'était Connaître ensemble l'émission des étudiantes sages-femmes. On remercie Ingrid à la recherche musicale et à la mise en onde. On s'en va en musique avec la chanson « Si mon cœur » de Brady Cardi. On vous revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonne journée tout le monde. Le soleil d'encre, malgré le ciel.